Le quotidien coréen Rodong Sinmun, en date du 19 courant, a inséré l'éditorial sous le titre « Le Parti du Travail de Corée manifestera à jamais son invincibilité grâce aux idées et exploits du grand camarade Kim Jong-il ». En voici le résumé. Pendant une longue période d'un demi-siècle, depuis que le général Kim Jong-il a commencé son travail au comité central du parti, notre parti a connu un grand essor dans sa formation idéologique, organisationnelle et du leadership pour manifester son prestige en tant que parti révolutionnaire exemplaire de l'époque d'indépendance et réaliser parfaitement la direction unique du parti à l'égard de la révolution et du développement du pays. Ses plus grands exploits accomplis pour l'époque, l'histoire, la patrie et le peuple, c'est d'avoir jeté des assises éternelles pour continuer invariablement la lignée de notre parti, quelles que soient les épreuves, et anticiper la victoire dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du parti. Aujourd'hui, notre parti manifeste dans le monde entier son invincibilité grâce à son dirigeant suprême Kim Jong-un. Tant qu'il y a l'idée et les exploits du général accompli pour le parti et la direction expérimentée et chevronnée du camarade Kim Jong-un, la cause du parti Kim Il-suniste, Kim Jong-liste sera jamais invincible.